Cette semaine, Wanted Incorporated Show Réanimation, je ne vous propose pas une nouveauté, non pas deux, mais uniquement le dixième d'une nouveauté. Oui, seulement le dixième, puisqu'il s'agit du single de la formation grecque Septic Flesh et la pièce Order of Dracul, parue la semaine dernière. Comme vous pouvez encore une fois le constater, votre humble docteur ne fait jamais les choses à moitié, mais plutôt encore moins que ça. Voici Réanimation. Et c'est bien pire, parfois, d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous apprend qu'il devra vous amputer, mais qu'il ne fera l'intervention qu'au dixième, et que par la suite, il vous dira ceci. Maintenant, priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go. We'll be right back.

vous avez soif de nouvelles musiques, de nouveaux sons, de nouveaux groupes? Le Gambrinus vous offre tout ça avec ses soirées les mardis de la relève. Tous les mardis, dès 21h, viens découvrir des bandes qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 17e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève au Gambrinus, une collaboration studio Banzai, Long & McQuaid et studio Voxton. Ce mardi 29 avril, le Gambrinus reçoit Capu Lanoké, les Pics à la Flore et Art Days Night. Les mardis de la relève au Gambrinus, un événement en production Joshua et C'est Fou 89.1. Pour mieux vivre et mieux naître, commençons par Connaître ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme de l'UQTR. Connaître ensemble, tous les mercredis de 10h à 11h sur les ondes de C'est Fou. Écoutez-nous en rediffusion sur connaîtreensemble.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes dans la zone 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 avril de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne jusqu'à 21h dans cette merveilleuse émission métallique qu'est réanimation. Ça, c'est pas de modestie. On vient d'entendre ce premier bloc musical avant cette intervention publicitaire qui était déconstituée de ce qui suit. Évidemment, vous aurez tous reconnu Slayer, j'espère, avec une des pièces les plus emblématiques, soit Angel of Death, qui est tirée de l'album Rain and Blood, qui part en 86, sur l'étiquette Def Jam, et qui évidemment est considéré comme plusieurs, dont moi, comme le meilleur album metal jusqu'à présent de tous les temps. Pièce d'ouverture de cet album. Juste auparavant, nous avions Voivod et la pièce Tornado. C'est légende québécoise métallique. Et la pièce, comme je l'ai dit, Tornado, qui est tirée de Killing Technology, qui est parue en 1987 sur l'étiquette Noise. C'était la troisième parution de Voivod à l'époque dans sa forme originale. Saddam et la pièce Shoot Today, Kill Tomorrow, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation allemande Epitome of Torture, qui est parue en 2013 sur Steam Hammer. Exodus, c'est une reprise d'Exodus par Exodus, soit Metal Command, avec, au vocal, bien entendu, Rob Dukes. C'est tiré de l'album Let There Be Blood, qui est paru en 2008, et qui, évidemment, fait référence à le premier album d'Exodus. Bien sûr, c'est une façon de se rendre hommage, de se rendre auto-hommage, si on veut, mais c'est un excellent album de remaniement, de mise à jour, si vous voulez, à la sauce 2008, des grandes pièces d'Exodus parues sur le premier album. Bien sûr, et nous avons ouvert avec Metallica. On va pas dire Metallica. Je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Il faut que je le dise comme Metallica. Puis, je vous dirai pas à qui je fais référence parce que vous le savez, puis je trouve ça complètement ridicule. La pièce étant The Four Horsemen, c'est paru sur le premier album de cette formation en 83, soit le titre de cet album étant Kill 'Em All sur Vertigo, et c'est encore, selon moi, le meilleur album de cette formation qui, aujourd'hui, n'en est plus vraiment une. Je dirais plutôt que Metallica est maintenant une forme de cirque qui comprend de tristes clowns. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons une émission fort bien remplie, bien entendu, parce que je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai annoncé sur le site de Réanimation, qui est en passant réanimationad.com, sur le site de C'est Fou, bien entendu aussi, qui est cfou.ca, que j'ai fait la présentation du premier single disponible de ce qui sera le nouvel album de Septic Flesh, soit la pièce Order of Dracul, mais ça c'est un petit peu plus tard dans l'émission, parce que pour l'instant... Ah ah ah, Gustave, tu es là encore cette semaine. Ben en fait, Gustave, moi je le vois tous les jours là, ou tous les nuits, là, mais ici, il n'est pas à l'émission toutes les semaines, mais là, tu es là aujourd'hui. Et tu veux quoi? Tu veux jouer au ballon. Ah, Gustave me dit qu'il serait temps que je me remette en forme. Oui, ça c'est pas une mauvaise idée, quoique je trouve ça un petit peu fatigant se mettre en forme. Mais pourquoi au ballon? Parce que c'est la remise en forme la moins fatigante. OK, bon, ben Gustave, va te prendre une tête qui roule quelque part là-bas, là. As-tu vu une plus fraîche que ça? Ben, trouve-toi un auditeur. Bon, OK. On va y aller cette fois-ci avec un bloc de figures emblématiques, oui, qui ont œuvré et qui œuvrent toujours, bien sûr, dans le death metal. Ben, surprenant, hein, que je passe du death metal, oui. Des formations dont certaines existent depuis bien longtemps. On va entendre, entre autres, du Crazian, on va entendre du Morbid Angel, on va entendre du Cannibal Corpse, mais tout de suite, on va y aller avec Obituary et la pièce In Your Head. Ah ben tiens, c'est tout à propos, je vais pouvoir jouer au ballon avec Gustave. Go!

Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. Je suis hors zone. Je suis hors zone. Tu aimes la musique indie rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe indie rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'indie rock à son meilleur. Avec Olivier et Karianne, Hors Zone, c'est assez fou. Je suis Hors Zone, je suis Hors Zone. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CFOU 89.1 FM, votre radio campus ici même à Trois-Rivières. Avant cette pause publicitaire, on a eu droit à un passablement long bloc death metal qui était constitué principalement de vieux routiers de ce genre. À l'instant, nous avions les puissants brésiliens Crazyn. Et la pièce Sounds of Pest que l'on retrouve sur l'avant-dernier album Sword and Storm porte très bien son nom, cet album, puisque Crazyn sont vraiment une tempête du sud lorsqu'on les voit en spectacle. Un trio qui donne, ma foi, ce que des fois un quintet ne peut arriver live. C'est vraiment extraordinaire de les voir. C'est vraiment une très bonne formation live. Dayside. Pardon, une pièce que je n'ai jamais passée encore en réanimation en pratiquement 14 ans, soit la pièce Refusal of Penance que l'on retrouve sur l'album paru en 2000, soit Incinerate Hymn qui est paru sur Roadrunner. C'est pas ma meilleure période encore, je dirais, de Deicide, parce que le fait que Jack Owen n'était pas encore présent, selon moi, il manque un élément musical qui est un complément assez important au sein de Deicide. Deicide sonne beaucoup plus plein maintenant, beaucoup plus puissant qu'à l'époque. Mais je dois dire qu'à l'époque aussi, c'était correct ce qu'il faisait. Mais maintenant, je pense que la version, je peux ainsi dire, 2.0 de Deicide est franchement supérieure. Morbid Angel, la pièce Opening of the Gates, c'est un grand classique du genre que l'on retrouve sur Gateways to Annihilation, qui est paru en 2000 également sur l'étiquette Earache. Cannibal Corpse et la pièce de Wretched Spawn qu'on retrouve sur l'album du même titre qui lui est paru en, j'ai un blanc de mémoire puis j'ai oublié de le marquer, pauvre cloche. Je vais regarder si je trouverai pas ça vite là. En 2004, excusez-moi. Je fais plein de... J'omets plein de détails comme ça. En fait, j'omets même presque de venir. Six Feet Under et Chris Barnes avec la pièce Vampire Apocalypse qui est tirée de l'avant-dernière parution de cette formation américaine, soit Undead, qui lui part en 2012 sur Metal Blade. Et nous avons débuté le tout avec une pièce assez downbeat de Obituary, une autre formation américaine, floridienne, soit In Your Head, pièce de clôture de l'album Executioner's Return, qui est paru en 2007 sur Candlelight. C'était la deuxième parution de cette formation américaine après leur retour de l'ami 2000 avec Frozen in Time qui notait le retour, qui était un très bon album de Obituary. Depuis ce temps, ils en ont fait paraître, je crois, c'est trois au total, qui m'ont laissé, mis à part Frozen in Time, légèrement, perplexe. Des bonnes pièces, de très bonnes pièces qu'on retrouve sur les albums de Obituary, mais je trouve que ce sont des albums assez inégaux qui ne reflètent pas nécessairement la qualité de ce band qu'il avait dans les bonnes années. Quoi qu'il faut dire que effectivement le fait d'avoir arrêté un certain temps, les musiciens vieillissent, et puis je pense que peut-être qu'il y a un côté créativité, énergie là qui n'est peut-être pas nécessairement au rendez-vous. C'est doit pas être très évident à faire non plus un retour. Donc, faut quand même souligner le fait que ce qu'ils ont fait, il y a de très bonnes choses. Depuis qu'ils sont revenus ensemble, d'ailleurs, qui était au passage au Toronto Metal Fest dernier cet automne. Comme je vous disais, Gustave est parti, c'est pour ça que je dis « je ». Il est parti, il doit être parti voir sa grand-mère encore, ce qui veut dire qu'il doit pas être très loin. Pauvre Gustave. Mais pauvre moi aussi. N'importe quoi. Pardon. Présentation ce soir de la formation grecque Septic Flesh. Le premier single qui est disponible pour cet album à paraître, soit Titan, qui sera disponible via Season of Mist le 20 juin prochain. Un album qui comportera 10 pièces. Et de là, ma présentation d'émission, que je disais que je ne présenterai qu'un dixième de nouveautés, c'est parce que c'est une des pièces sur les 10. Hein. Mathématiquement, ça se tient, là. J'imagine. Je pense. Mais confirmez-le, s'il vous plaît. Non. Une pièce sur 10, c'est la pièce qui est comme l'espèce de teaser, si on veut, en bon français, pour cette nouvelle parution à devenir... être paru bientôt, à peu près deux mois, un petit peu moins de deux mois. Donc, la pièce étant Harder of Dracul, qui, évidemment, traite de ce personnage mythique et légendaire qui devint plus tard Dracula, mais qui, dans les faits, est Vlad de son surnom Tepes, ce soit Vlad l'Empaleur. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, après la présentation, parce que, comme je vous disais, je vais faire un petit spécial chronique cinéma, en plus de la régulière, soit trois titres marquants, ou je dirais plutôt importants, de films étant directement attachés au mythe de Dracula. Donc ça, on va y revenir après ce spécial de Septic Flesh, parce que j'y ai joint trois autres pièces qui sont tirées respectivement des albums Sumerian Demons, Communion et The Great Mass. Sans plus attendre, allons écouter une des pièces tirées de ce qui sera leur 9e album complet studio, soit Titan, qui sortira le 20 juin, comme je l'ai dit, prochain sur Season of Mist. Nous allons écouter dans l'ordre cette nouveauté des Harder... c'est Harder of Dracul, Virtues of the Beast, We the Gods et The Undead Keep Dreaming. Voici une excellente formation qui donne dans un dark et, je dirais, death symphonique. Il s'agit de Septic Flesh. Go! This war. Chef from 75S. You are listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Pignon Libre. Nouveau concept à Trois-Rivières. Vélo, café, sandwich. Vente, location et réparation de vélos en tout genre. Dépositaire des marques Gazelle et leurs vélos hollandais. Linus et ses vélos au look vintage. Sans oublier les vélos pliants de chez Turn, ainsi que les vélos fixes Pure Fix Cycle. Au Pignon Libre, c'est aussi un café et une sandwicherie dans une ambiance chaleureuse. Au Pignon Libre, 1000 boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est Fou, le réseau campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou, 89.1. Et vous êtes dans le dernier tournant de réanimation, puisque ça se termine à 21h. Avant cette pause publicitaire, on a entendu notre spécial Septic Flesh, formation grecque qui donne dans un très puissant death metal symphonique la tendance dark aussi. Formation qu'on a vue il y a deux, pas le dernier Metal Fest qu'on a eu ici à Trois-Rivières, de Trois-Rivières Metal, mais bien l'avant-dernier, ça avait été vraiment quelque chose de très, je dirais, grandiose comme prestation. Quatre pièces tirées, en fait, trois pièces tirées des trois albums studio, les trois derniers albums studio, ou pratiquement, si je ne m'abuse, je vais juste faire une petite vérification pour ne pas vous induire en erreur. Effectivement, c'est tout à fait cela. Donc, on a entendu avant la pause publicitaire The Undead Keep Dreaming, qu'on retrouve sur The Great Mass, qui est la dernière apparition jusqu'à ce jour de Septic Flesh, qui est paru en 2011. Nous avions We the Gods, tiré de Communion, qui lui est paru en 2008, et Virtues of the Beast, tiré de l'album Sumerian Demons, paru en 2003. Et on a débuté ce spécial, bien sûr, avec la présentation du nouveau single tiré de Titan, qui paraîtra le 20 juin prochain, soit Harder of the Dracul, que l'on retrouvera sur Titan, bien sûr, puisqu'il s'agit de la... Je crois que ce sera la troisième pièce de cet album. Un petit instant, je vais encore vérifier si le set veut allumer un peu. Oui, ce sera la troisième pièce, effectivement, qu'on retrouvera sur Titan. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, oui, beaucoup. Je vous avais dit tout à l'heure que j'associerais un spécial chronique cinéma Dracula à ce spécial et je vais le faire de ce pas. J'ai retenu principalement trois films qui auront marqué l'histoire du cinéma sur le sujet du comte Dracula, bien sûr. Le premier étant Dracula, qui est paru en 1931, qui est un film de Todd Browning, qui met en vedette, bien entendu, l'inimitable Bela Lugosi, David Manners et Ellen Chandler. Dracula 1931 se veut la deuxième production cinématographique d'importance relative au mythe du fameux voïvode Vlad Tepes. Dit l'empaleur de son vrai nom, Vlad III Bassarab. Le premier film ayant été, bien sûr, Nosferatu de F.W. Murnau, qui est paru, lui, en 1922, et qui mettait en vedette Max Schreck dans le rôle du comte Graf Orlok, dit le vampire. Évidemment, on ne faisait pas de... On ne faisait pas d'association directe avec Vlad Tepes, mais en fait, c'était à peine masqué. Donc, ce prince de Valachie, célèbre pour ses hauts faits d'armes, mais surtout pour sa cruauté, inspira en 1897 le romancier Bram Stoker, qui écrit son fameux roman Dracula, personnage fictif, mais inspiré, qui était un Nosferatu, ou un vampire si vous préférez. Il faut savoir que Dracula, suceur de sang de Stoker, provient tout simplement du fait que Vlad Tepes était un être sanguinaire. Le sang devenait symboliquement une forme de nourriture. Parce qu'il faut savoir que Vlad Tepes, lors de ses conquêtes, de ses nombreuses batailles, eh bien, il se faisait souvent dresser des festins sur le champ de bataille. Et il décorait sa table de festins autour d'ennemis vaincus empalés sur des perches. L'adaptation de Browning, quoique quelque peu naïve, on en convient, connut un véritable succès, puisque très innovateur pour l'époque, mais surtout parce que son film provoqua chez les spectateurs l'effet escompté, soit la terreur. Cette ambiance de terreur reposait principalement sur l'acting de cet Hongrois très charismatique, Bela Lugosi, qui avait déjà une très longue feuille de route théâtrale. Lugosi incarna de façon brillante le personnage du comte Dracula, personnage qui le suivit et qui le hanta effectivement le reste de sa vie. D'ailleurs, Bela Lugosi se fit enterrer dans sa tombe avec son costume du comte Vlad Dracula. Les contrastes noirs et blancs de ce film et de ses productions de l'époque avaient un apport très favorable puisque les décors de Dracula étaient sombres et tous minimalistes. Donc, on jouait énormément avec les contrastes de lumière pour provoquer des effets de blanc plus prononcés, de noir plus prononcés, des teintes de gris mitoyennes, si on veut. Donc, pour créer vraiment une ambiance qui était de surprise. À cette époque, les productions cinématographiques n'excédaient pas les 75 minutes ou grosso modo quelque chose comme ça. Donc, Browning dut escamoter bon nombre de détails afin de se consacrer à l'essentiel du roman de Stoker, bien entendu. Ce qui fait de Dracula un film qui se veut, en fait, entre guillemets, une forme de résumé du roman de plus de 300 pages original de Bram Stoker. En 1958, Horrors of Dracula, qui est un film de la Hammers Production, qui est un film de Terence Fisher, qui met en vedette Christopher Lee, que l'on connaît tous maintenant, bien entendu, j'ose espérer, Barbara Shelley et Andrew Keir, qui ont tous été des vedettes très, très en vue dans les années 50 et 60. Donc, 27 ans après la sortie de l'œuvre de Todd Browning, soit Dracula, de 31, c'est au tour des Britanniques de la Hammer Film Production de s'intéresser au personnage de Bram Stoker. Le premier chapitre traitant du comte Dracula étant Horrors of Dracula, qui mettait en vedette l'une des plus grandes stars montantes de la Hammer, soit Christopher Lee, dans le rôle du fameux comte Prince des Ténèbres. La Hammer, qui s'était spécialisée dans l'adaptation et voire même le remaniement des scénarios originaux des classiques de la maison Universal, pour des raisons d'aspect légaux et légal bien sûr, voyait le filon lucratif de remettre à l'écran, selon sa propre vision, le personnage de Dracula. En confiant le rôle à Christopher Lee, il s'assurait pratiquement de gagner la mise. Ce fut d'ailleurs un succès et encore aujourd'hui, le film se vend toujours. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Christopher Lee, à l'époque, avait déjà une certaine réputation. Il avait joué dans d'autres films qui n'étaient pas nécessairement associés à l'horreur et encore moins à Dracula, bien entendu. Et c'était un personnage qui était très charismatique au niveau de son physique, un peu comme Bela Lugosi l'était à l'époque. Donc, pour eux, c'était d'associer une figure qui deviendrait emblématique à un mythe qui était déjà gagné d'avance, et ce fut le cas. Christopher Lee aura croisé la croix, le pieu et les canines à plus d'une reprise dans les séquelles de l'adaptation. 7 titres au total comportant le nom Dracula pour la Hammer. Ils ne sont pas tous bons, je dois vous le dire, mais ils ont tous un certain cachet. Les adaptations et métaphores de scénarios originaux permettaient aux dirigeants et scénaristes de la Hammer de pouvoir rendre picturalement les productions plus audacieuses et surtout toujours plus horrifiantes. La couleur y était pour beaucoup, bien entendu. Jouait aussi en faveur des productions versus les réactions des spectateurs, puisque le sang souvent mis en évidence, arborait une couleur rouge très accentuée et très peu réaliste afin de crever l'écran. Cela fonctionnait bien puisque les contrastes passent rarement inaperçus, bien entendu. Hammer misait évidemment sur le jeu des acteurs, mais aussi sur l'environnement très gothique et superbement bien reconstitué en studio, faut le souligner, mais par-dessus tout, sur l'ambiance malsaine qui s'en dégageait, ce qui était très audacieux pour l'époque. On sait que Hammer s'est spécialisé, devenu une des firmes, en fait, je dirais mondiale, les plus prisées au niveau des films d'horreur dans les années 50 et 60, parce qu'ils avaient des reconstitutions au niveau de leur plateau de tournage qui étaient vraiment très, très, très bonnes. Hours of Dracula était contestablement à plusieurs lieux de l'œuvre originale, on s'entend. Ce qui n'est pas pour autant... ce qui ne fait pas pour autant de lui un film de moindre qualité. Au contraire, le fait de ne pas avoir fait une copie adaptée de la réalisation de Todd Browning rend Horrors of Dracula très intéressant en fait redécouvrir Le Prince des Ténèbres. Il s'agit d'une production qui a marqué plus d'une génération et qui fait encore partie des classiques du genre. Et je suis un fan de ce film, bien entendu. 1992, Bram Stoker's Dracula. Qui est signé Francis Ford Coppola. On s'entend que c'est pas un nouveau venu à le cinéma. Il avait déjà des choses très intéressantes devant lui. Il s'attaquait à quelque chose d'assez important. Ça met en vedette Gary Oldman, Anthony Hopkins, qui est excellent, et Winona Ryder, qui est quand même bien, quoi. C'est pas mon actrice préférée, faut le dire, mais qui se débrouille très bien dans son rôle. En 1992, Francis Ford Coppola, cinéaste émérite, ayant décortiqué l'œuvre de Bram Stoker, met sur pied la réalisation d'un film qui aujourd'hui est toujours considéré comme le plus fidèle au roman Dracula. Une production de 128 minutes qui en fait prenant en ligne de compte des événements et détails du roman qui sont d'une importance capitale afin de bien cerner notre sanglant conte Dracula. Ce souci du détail important qui, malgré le fait que Coppola devait condenser sa vision dans 128 minutes, donna à cette production un prestige inégalé jusqu'à présent, et c'est effectivement le cas. Le jeu des acteurs est parfait, l'aspect graphique est méthodiquement conçu et présenté de façon grandiose. J'avais été voir dès sa sortie au cinéma à l'époque et j'avais été complètement stupéfait de voir ça. La psychologie du personnage principal, Dracula, bien entendu, est exploitée à merveille et lui confère une dualité entre le bien et le mal, déconcertante par moments. Ce qui n'avait pas encore été jamais présenté. Le préambule du film permet au spectateur de comprendre pourquoi Vlad Dracul est devenu ce qu'il est, soit un vampire, une âme maudite et damnée pour l'éternité. Cette introduction est parfaite comme entrée en matière et captive immédiatement le spectateur. Un des meilleurs films réalisés sur le thème et le mythe de Dracula. J'espère que ça va vous donner le goût de redécouvrir ces films-là si c'était pas déjà fait, parce que malgré le fait que les films ont souvent pratiquement des 60-70 ans, il faut se remettre en contexte et encore aujourd'hui, on est capable d'en ressortir un aspect fort intéressant et je dirais d'y voir une composition très audacieuse et très créative. Ben, c'est pas le cas, évidemment, pour Dracula Stoker, puisqu'il date de 92. Mais quand même, il a un peu plus de 20 ans. Ceci étant dit, je vais passer à ma chronique cinéma régulière, parce que celle-ci est un... C'est du moitié-moitié. Un film que j'avais vraiment envie de voir et que j'étais heureux de débuter, il s'agit de Devil's Due. C'est un film d'horreur, de possession, qui raconte l'histoire d'un jeune couple dont la femme tombe enceinte et qui, semble-t-il, a été enfantée lors d'un rite satanique qui devra mettre au monde l'antéchrist, en fait, un des antéchrists. Je trouve toujours ces scénarios intéressants, quoique très redondants, je dois le dire, mais quand même, je me dis, ça peut être un vrai film d'horreur, donc ça mérite la peine de le voir. Eh bien non, chers petits auditeurs, je vais donner un 1 sur 10. C'est un film d'une longueur qui est martelante. Il ne se passe rien à part dans les 10 dernières minutes du film. Et en fait, c'est pas grand-chose qui se passe. Donc, ce film-là, Devil's Due, je vous conseille pas du tout. Mais pas du tout. Et quoique j'avais vu les previews, je m'étais dit, ouais, ça a l'air intéressant. Mais encore là, les previews ont été très menteuses et on a mis, je dirais, le paquet sur les previews pour aller chercher le maximum des scènes qui avaient du punch. puis le reste, ben, il se passe absolument rien. Donc, c'est vraiment pas bon. J'ai détesté, voire, ben, détesté non, parce que j'ai donné 1 sur 10, donc, mais j'ai vraiment pas aimé. Autre film que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment navet aussi, c'est vraiment un test que j'ai fait parce que, à quelque part, le sujet pouvait plus m'intéresser, c'est Knights of the Dead. C'est un film, comment pourrais-je dire, un film qui est médiéval, voilà, et qui mélange l'horreur. Donc, c'est des chevaliers qui escortent le Saint Graal, qui doivent se rendre d'un endroit à l'autre, doivent passer par une vallée interdite, ils sont assaillis par des chevaliers, pseudo-chevaliers morts-vivants. C'est ridicule. C'est carrément ridicule. C'est un film de série B, bien entendu, mais il y a des films de série B qui valent la peine. Mais celui-là, ça vaut aucun détour. J'ai trouvé ça d'un ennui mortel. J'ai donné un 1 sur 10 et je vais vous dire pourquoi 1 sur 10. Parce que le traitement de l'image était quand même intéressant. On avait travaillé beaucoup avec des valeurs de gris, légèrement colorées. Ça pouvait donner une ambiance qui était intéressante, mais c'est tellement mal exploité au niveau du scénario qu'on a l'impression d'écouter un vieux film chinois de vampires des années 70. Et ça, c'est pas une référence, hein. Donc, dites-vous que c'est vraiment pas un bon film. Je connaissais pas du tout aucun acteur là-dedans, encore moins le réalisateur qui est Mark Atkins. Ça me disait rien. J'ai fait des recherches, j'ai pas vu grand feuille de route associée à cette personne. Sinon, des films qui me disaient strictement rien et qui sont probablement l'équivalent de Knights of the Dead. Donc, Knights, évidemment, comme chevalier, non, nuit. Autre film d'action, science-fiction que j'ai vu, j'ai trouvé quand même intéressant, c'est Bounty Killer, qui est un film de Henry Sain, qui met en vedette des gens que je ne connaissais pas, comme Matthew Marson et Christina Locken. C'est un film qui rencontre, si on veut, un peu Mad Max et Kill Bill, ou Planet Terror, si vous voulez, de Quentin Tarantino. Évidemment, un peu plus cheap, parce que ici aussi, c'est une série B, mais c'est une série B intéressante, c'est divertissant. On a mis des efforts sur le traitement graphique, l'aspect visuel du film en tant que tel, c'est, faut le reconnaître. Quoique, c'est un peu maladroit, c'est pas à la hauteur de ce qu'évidemment Rodriguez ou Tarantino pourraient faire. Mais c'est pas vilain. Ça s'écoute bien, mais on n'a pas envie de le revoir après. Donc, j'ai donné un 6.5 sur 10. Bounty Killer, c'est correct. Le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir cette semaine, c'est un film de... c'est un mélange entre le crime, l'action et la comédie. Il s'agit d'un film qui est signé Guy Ritchie. Il s'agit de Snatch. C'est par an 2000 et ça met en vedette quand même quelques gros calibres. Brad Pitt, Jason Statham et Benicio Del Toro, pour n'en nommer que ceux-ci. Et c'est un très bon film d'arnaque. Et c'est un très bon film. Je dirais, il y a beaucoup d'action aussi. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle en français double crossing. Il y a un aspect dedans qui vient rechercher un peu ce que Tarantino nous a fait découvrir principalement avec Pulp Fiction. C'est les rapports chronologiques en fin de film pour diverses séquences qui prennent tout leur sens. Et c'est Guy Ritchie. Et honnêtement, Guy Ritchie, je ne lui reconnais pas beaucoup de mauvais films. C'est un très bon cinéaste. Et il sait bien mettre en scène ses acteurs. Et je dois dire que le jeu de chacun ici est vraiment excellent. Moi, c'est un film auquel je donne un 8.5 sur 10. Ça a très bien vieilli, même si ce film-là a pratiquement 14 ans. Je vous incite à découvrir ou à revoir Snatch. Côté musical, eh bien, des choses intéressantes, je dois dire, que je vous présenterai la semaine prochaine, soit le nouvel album de Aborted, formation de Belgique, bien entendu, qui donne dans un dead grind metal, l'album étant The Necrotic Manifesto. C'est disponible sur Century Media. J'ai donné un 7.5 sur 10. Je dis dans ma chronique sur réanimationad.com, ce n'est pas mon meilleur album, mais je trouve qu'il se débrouille très bien. On l'explorera ensemble la semaine prochaine. Et autre chose, il s'agit du nouvel album de Autopsy. Ce qu'il faut savoir avec Autopsy, c'est une formation qui existe depuis 87, qui est une formation qui vient de Oakland, aux États-Unis, qui donne dans un dead gore metal et qui a une feuille de route relativement longue, quoique pas énormément d'albums complets studio, mais qui font, je dirais, une espèce de repercée. En fait, ils ont sorti un album en 2011-2013, mais avant, ils avaient été en suspension depuis 1995. C'est une bonne percée, je dois dire, parce que l'album Tourniquets, Hacksaw and Graves, et Quoiqu'inégal, a des pièces qui sont très intéressantes. Je lui donne un 7 sur 10. C'est disponible sur Peaceville Records. Et nous allons l'explorer aussi la semaine prochaine. Il me reste à peu près juste le temps pour vous rappeler justement les présentations musicales que j'aurai la semaine prochaine, soit Aborted et Autopsy, et se quitter sur une dernière pièce qui est d'une formation. Encore une fois, je dois le dire, je l'avoue candidement, que Sinistros, à laquelle Sinistros m'a introduite, m'a fait connaître, il s'agit de la formation des Pays-Bas, Monolith That Cult, et une pièce tirée du dernier album Tetragrammaton, qui est paru en mai 2013 sur Season of Mist. J'ai retenu une pièce assez longue de 8 minutes 50, qui est un peu, je dirais, une bonne finale pour l'émission, qui s'appelle SADM, Supreme Avant-Garde Death Metal. Vous allez voir, c'est particulier, une très belle présentation au début, ça fait comme bande-annonce cinéma, c'est vraiment cool. On se tape ça à l'instant. Et puis, la semaine prochaine, j'y serai, bien entendu. Et d'ici là, je vous dis... J'espère que vous allez vous ennuyer. Mais non, je vous dis tous, allez vous faire foutre, enfoiré. 'Cause I said so. Monolith Death Cult. Go! Place.